Chapitre 37. Que la nécessité où nous sommes de nous exercer sans cesse à la pratique des vertus nous oblige à profiter pour les acquérir de toutes les occasions qui se présentent. Nous avons vu assez clairement que, dans le chemin qui conduit à la perfection, il faut marcher en avant sans s'arrêter jamais. Pour cela, tenons-nous bien sur nos gardes et veillons attentivement à ne laisser échapper aucune occasion d'acquérir les vertus. C'est donc mal entendre ses intérêts que de fuir les contrariétés qui pourraient nous servir à cet égard. Pour nous en tenir à notre premier exemple, voulez-vous acquérir l'habitude de la patience? N'évitez point les personnes, les actions et les pensées qui vous portent à l'impatience. Ne cessez point vos relations parce qu'elles vous sont à charge. Et dans les conversations et les rapports que vous entretiendrez avec les personnes qui vous ennuient, tenez votre volonté toujours prête à souffrir les contrariétés et les dégoûts qui vous arriveront. Sinon, vous n'acquérerez jamais l'habitude de la patience. De même, si un travail vous déplaît, soit par lui-même, soit à cause de la personne qui vous l'a imposé, soit parce qu'il vous détourne d'une occupation plus conforme à vos goûts, ne laissez pas de l'entreprendre et de le continuer, malgré le trouble qu'il vous cause et le repos que vous trouveriez en l'abandonnant. Sans cela, vous n'apprendriez jamais à souffrir, et le repos que vous goûteriez ne serait pas un repos véritable, attendu qu'il ne procéderait pas d'un esprit libre de passion et orné de vertus. J'en dis autant des pensées ennuyeuses qui tourmentent et troublent parfois votre âme. Ce n'est pas un avantage pour vous d'en être entièrement délivré, puisque la souffrance qu'elles vous causent vous accoutume à supporter patiemment toutes sortes de contrariétés. Vous enseignez le contraire, ce serait plutôt vous apprendre à fuir la peine que vous éprouvez qu'à acquérir la vertu que vous désirez. Il est bien vrai qu'en de semblables occasions, il faut, surtout si on n'est pas suffisamment aguerri, savoir temporiser et user de beaucoup de prudence et d'adresse, affronter l'ennemi ou l'éviter, selon qu'on se sent plus ou moins de vertu et de vigueur d'esprit. Mais, d'un autre côté, on doit bien se garder de lâcher pied tout à fait et de reculer au point d'abandonner toutes les occasions de souffrir. Parce que si, pour le moment, on échappe au danger de tomber, on court grand risque de succomber plus tard aux assauts de l'impatience, faute de s'être suffisamment aguerri et fortifié d'avance par la pratique de la vertu contraire. Inutile de faire remarquer que ces avis ne concernent pas le vice impur. La manière de combattre ce vice vous a été indiquée dans un des chapitres précédents. Chapitre 38. Que l'on doit rechercher les occasions de pratiquer la vertu et les accueillir avec d'autant plus de joie qu'elles offrent plus de difficultés. Ce n'est point assez de ne pas fuir les occasions de nous exercer à la vertu. Il faut parfois les rechercher comme des avantages inestimables, les accueillir avec joie dès qu'elles s'offrent à nous, et regarder comme plus précieuses et plus dignes d'amour celles qui déplaisent davantage à nos sens. Vous y parviendrez avec la grâce de Dieu si vous imprimez profondément dans votre esprit les considérations suivantes. La première, c'est que les occasions sont des moyens éminemment utiles, nécessaires même à l'acquisition des vertus. C'est pourquoi, en demandant les unes au Seigneur, vous lui demandez nécessairement les autres. Sinon, votre prière serait vaine. Vous seriez en contradiction avec vous-même et vous tenteriez le Seigneur, puisque, selon le cours ordinaire des choses, Dieu ne donne pas la patience sans les tribulations, ni l'humilité sans les opprobres. On peut en dire autant de toutes les autres vertus. Il est incontestable qu'elles s'acquièrent au moyen des adversités qui nous arrivent. Ces adversités nous sont d'autant plus utiles et doivent par conséquent nous être d'autant plus chères et plus agréables qu'elles sont plus pénibles à la nature, car les actes que nous produisons en ces occasions sont plus généreux et plus forts, et, partant, plus propres à nous faire avancer avec promptitude et facilité dans la voie de la perfection. Il faut estimer et mettre à profit les moindres occasions, ne fût-ce qu'un regard ou une parole contraire à notre volonté, parce que si ces actes ont moins d'intensité, ils sont plus fréquents que ceux que l'on produit dans les circonstances plus importantes. La seconde considération, déjà touchée plus haut, c'est que tous les accidents qui nous arrivent nous sont envoyés de Dieu pour notre bien et afin que nous en tirions profit. Il s'en trouve quelques-uns, nos fautes par exemple et celles du prochain, que l'on ne peut attribuer à Dieu sans faire injustice à sa sainteté. Il n'en est pas moins vrai qu'elles nous viennent de Dieu, en ce sens que Dieu les permet et que, pouvant les empêcher, il ne le fait cependant pas. Mais les afflictions et les peines qui nous arrivent par notre faute ou par la malice d'autrui, on ne peut nier qu'elles ne viennent par Dieu et de Dieu, puisque Dieu y concourt et que, tout en voulant que ce qui se fait ne se fasse pas, puisqu'il y voit une difformité souverainement odieuse à ses yeux, il veut que nous les supportions à cause du profit spirituel que nous pouvons en retirer ou pour d'autres raisons très justes qui nous sont cachées. Et si nous avons une certitude entière que le Seigneur veut que nous supportions avec joie les maux que nous causent les injustices du prochain ou nos fautes personnelles, il faut bien reconnaître que dire, comme plusieurs le font pour excuser leur impatience, que Dieu ne veut pas, qu'il a en horreur les mauvaises actions, c'est chercher un vain prétexte pour couvrir notre propre faute et refuser la croix que nous savons devoir porter pour plaire au Seigneur. Je vais plus loin et j'affirme que, toutes choses égales d'ailleurs, le Seigneur préfère nous voir supporter les peines qui ont leur source dans la méchanceté des hommes, de ceux surtout que nous avons obligés, que celles qui nous viennent d'autres accidents fâcheux. La raison en est que les premières ont d'ordinaire plus de force pour réprimer notre orgueil naturel, et qu'en outre, en les supportant avec joie, nous contentons et glorifions singulièrement le Seigneur, puisque nous coopérons avec lui à l'œuvre qui fait le plus éclater sa bonté ineffable et sa toute-puissance, celle de tirer du venin pestilentiel de la malice et du péché le fruit précieux et suave de la vertu et de la sainteté. Sachez donc, âme chrétienne, qu'aussitôt que Dieu découvre en nous un vif désir de nous mettre courageusement à l'œuvre et de tendre de tous nos efforts à cette glorieuse conquête, il nous prépare le calice des plus violentes tentations et des plus rudes épreuves afin de nous le présenter en son temps. Nous-mêmes, si nous sommes désireux de son amour et de notre propre bien, nous saurons accepter de bon cœur et les yeux fermés le calice qu'il nous offre et le boire jusqu'au fond avec assurance et promptitude, puisque c'est une médecine. Chapitre 39. Comment nous pouvons faire servir des occasions diverses à l'exercice d'une même vertu. Vous avez vu dans les chapitres précédents qu'il vaut incomparablement mieux s'exercer pendant quelque temps à une seule vertu que de vouloir en acquérir plusieurs à la fois. Vous avez vu également qu'il faut faire converger sur cette vertu unique toutes les occasions qui se présentent, si différentes qu'elles soient les unes des autres. Apprenez maintenant la méthode à suivre pour vous rendre cet exercice plus facile. Il arrivera en un même jour, peut-être en une même heure, qu'on nous reprendra d'une action même excellente, que, pour une cause ou l'autre, on parlera mal de vous, qu'on nous refusera durement une faveur ou un léger service, qu'on nous soupçonnera sans raison, que nous ressentirons une douleur corporelle, qu'on nous imposera une besogne ennuyeuse, qu'on nous servira un mets mal apprêté, que nous nous trouverons accablés sous le poids de maux plus considérables, tels qu'ils s'en rencontrent si souvent dans la pauvre vie humaine. Quoique parmi tant d'accidents fâcheux nous puissions pratiquer plusieurs vertus différentes, néanmoins, pour nous en tenir à la règle donnée plus haut, nous nous bornerons à produire des actes conformes à la vertu que nous nous sommes proposés d'acquérir. Si c'est la patience que nous cherchons à acquérir au moment où ces accidents nous arrivent, nous nous efforcerons de les supporter de bon cœur et avec joie. Si c'est l'humilité, nous nous persuaderons, au milieu de ces contrariétés, que nous sommes dignes de tous les châtiments. Si c'est l'obéissance, nous nous abaisserons promptement sous la main toute-puissante de Dieu, et pour lui plaire, puisque telle est sa volonté, nous nous assujettirons aux créatures raisonnables ou même privées de raison qui nous causent ces ennuis. Si c'est la pauvreté, nous consentirons à être dépouillés et privés de toutes les consolations de la vie, des grandes comme des petites. Si c'est la charité, nous ferons des actes d'amour envers le prochain, qui est l'instrument de notre sanctification, et envers Dieu, qui en est la cause première et pleine d'amour, puisque ces épreuves destinées à nous faire avancer dans la vertu nous arrivent par son ordre, ou du moins par sa permission. Ce que je dis ici des accidents divers qui nous arrivent journellement nous indique en même temps comment, dans une maladie ou une affliction de longue durée, nous pouvons nous exercer à la vertu que nous nous sommes proposés d'acquérir. Chapitre 40. Du temps que nous devons consacrer à l'exercice de chaque vertu et des marques de notre avancement spirituel. Pour ce qui regarde le temps que nous devons employer à l'exercice de chaque vertu, ce n'est pas à moi de le déterminer, puisqu'il faut le régler d'après l'état et les besoins particuliers de notre âme, les progrès que nous faisons dans le chemin de la perfection. et l'avis de celui qui nous guide dans cette voie. Toutefois, si on s'y appliquait de la manière et avec la sollicitude que nous avons dite, il est certain qu'on ferait en peu de semaines des progrès considérables. C'est une preuve de progrès que de persévérer dans les exercices spirituels, malgré les aridités, les ténèbres, les angoisses de l'âme et la privation des consolations sensibles. Un autre signe non moins évident, c'est la résistance que la concupiscence oppose à nos actes de vertu. Plus celle-ci prendra de force, plus nous aurons sujet de croire que nous avançons dans la perfection. Si donc nous ne sentons aucune contradiction, aucune révolte dans la partie sensitive et inférieure, surtout quand il s'agit d'assauts subis et imprévus, c'est un signe que nous avons acquis la vertu. Et plus nous en produirons les actes avec promptitude et avec joie, plus nous serons autorisés à croire que nous avons retiré de grands fruits de cet exercice. Remarquons cependant que nous ne devons pas nous croire en possession d'une vertu et regarder comme certain notre triomphe sur une passion, parce que depuis longtemps et après beaucoup de combats, nous n'aurions plus ressenti ces attaques. En ceci encore, il peut y avoir ruse et artifice du démon et illusion de la nature. Il n'est pas rare qu'un orgueil secret nous fasse prendre pour vertu ce qui réellement n'est que vice. D'ailleurs, si nous considérons la perfection à laquelle Dieu nous appelle, quels que soient nos progrès dans la vertu, nous n'aurons pas de peine à nous persuader que nous en avons à peine franchi les premiers degrés. Vous devez donc vous regarder comme un guerrier nouvellement enrôlé, ou comme un enfant qui essaye ses premiers pas, et reprendre vos exercices avec votre première ardeur, comme si vous n'aviez rien fait encore. Souvenez-vous, âme chrétienne, que mieux vaut avancer dans le chemin de la vertu que d'examiner les progrès qu'on y a faits, parce que Dieu, qui seul scrute le fond des cœurs, dévoile ce secret à quelques-uns et le cache à d'autres, selon qu'il voit pour eux, en cette connaissance, un sujet d'humiliation ou une excitation à l'orgueil. Comme un père plein d'amour pour ses enfants, il ôte aux uns le danger et fournit aux autres l'occasion de croître en vertu. Il faut donc que l'âme continue ses exercices, quoiqu'elle ne s'aperçoive pas de ses progrès. Elle les connaîtra lorsqu'il plaira à Dieu de les lui découvrir pour son plus grand bien. Chapitre 41. Que nous ne devons pas souhaiter d'être délivrés des afflictions que nous endurons patiemment et de la manière de régler tous nos désirs. Lorsque vous vous trouvez dans une peine quelconque et que vous la supportez patiemment, gardez-vous bien de vous laisser entraîner par le démon ou l'amour-propre au désir d'en être délivré, car ce désir vous causerait deux grands maux. Le premier, c'est qu'alors même qu'il ne vous ravirait pas immédiatement la vertu de patience, il vous disposerait peu à peu au vice contraire. Le second, c'est que votre patience deviendrait imparfaite et que vous ne recevriez qu'une récompense proportionnée à la durée de l'épreuve, tandis qu'en ne souhaitant pas d'en être délivré et en vous confiant sans réserve à la bonté divine, votre souffrance n'eût-elle duré qu'une heure ou moins encore, vous en auriez été récompensé par Dieu comme d'un service de longue durée. C'est pourquoi, en ceci comme dans tout le reste, prenez pour règle constante de tenir vos désirs tellement éloignés de tout ce qui n'est pas Dieu, qu'ils tendent purement et simplement à leur véritable et unique but, à savoir la volonté du Seigneur. De cette façon, ils seront toujours justes et équitables, et vous serez au milieu de toutes vos contrariétés, tranquilles et même heureux, parce que, sachant que rien ne peut se faire sans la volonté divine, et voulant vous-même ce qu'elle veut, vous ne pouvez manquer de vouloir tout ce qui vous arrive et d'avoir tout ce que vous désirez. Cette remarque ne peut, il est vrai, s'appliquer à vos péchés et aux péchés d'autrui, puisque Dieu ne peut les vouloir. Mais elle s'applique parfaitement à toutes les peines qui en découlent ou qui vous viennent d'ailleurs. Si violente et si profonde que soit la blessure, arriva-t-elle en touchant le fond de votre cœur à briser les racines mêmes de la vie naturelle, vous ne devez pas moins y reconnaître la croix dont Dieu se plaît à favoriser ses amis les plus intimes et les plus chers. Ce que je dis ici des afflictions en général doit s'entendre en particulier de la part de souffrance qui nous restera et que Dieu veut que nous endurions après que nous aurons employé tous les moyens licites de nous en défaire. Encore faut-il régler l'emploi de ces moyens sur la volonté de Dieu qui les a établis, afin que nous nous en servions uniquement parce qu'il le veut, et non par attachement à nos aises, ou parce que nous aimons et désirons la cessation de nos épreuves, plus que ne le requiert son service et son bon plaisir. Chapitre 42. Comment on doit se défendre des artifices du démon quand il nous inspire des dévotions indiscrètes. Lorsque l'esprit malin s'aperçoit que nous marchons dans le chemin de la vertu, avec des désirs si vifs et si bien réglés qu'il ne peut nous engager dans le mal par des artifices manifestes, Il se transforme en ange de lumière et nous suggère à tout instant des pensées agréables, des sentences de l'Écriture et des exemples tirés de la vie des saints pour nous faire marcher avec une ardeur indiscrète dans la voie de la perfection et nous faire ensuite tomber dans le précipice. C'est ainsi, par exemple, qu'il nous invite à châtier rudement notre corps par des disciplines, des jeûnes, des cilices et par d'autres mortifications semblables, afin que nous nous laissions aller à l'orgueil, en nous imaginant, comme il arrive particulièrement aux femmes, que nous faisons des choses merveilleuses, ou bien afin que nous contractions une maladie qui nous rende impropres aux bonnes œuvres, ou bien encore afin que l'excès de travail et de peine nous fasse prendre les exercices spirituels en dégoût ou en aversion, et que, devenant peu à peu tièdes pour le bien, nous nous adonnions avec plus d'avidité que jamais au plaisir et au divertissement du monde. C'est ce qui est arrivé à un bon nombre de personnes pieuses, aveuglées par la présomption de leur cœur et emportées par un zèle indiscret. Elles ont, dans leurs mortifications extérieures, outrepassé la mesure de leurs forces et sont devenues le jouet des malins esprits. Elles se seraient épargnées ce malheur si elles avaient tenu compte des observations que nous avons faites et si elles avaient réfléchi que ces sortes de mortifications, si louables en elles-mêmes et si profitables à ceux qui ont les forces corporelles et l'humilité requises pour les pratiquer, doivent être réglées d'après le tempérament et la nature de chacun. Ceux qui ne peuvent supporter les austérités auxquelles les saints ont soumis leur corps trouveront toujours assez d'occasions d'imiter leur vie par la vivacité et l'efficacité de leurs désirs et la ferveur de leurs prières. Qu'à leur exemple, ils aspirent à ces couronnes plus glorieuses que procurent aux vrais soldats du Christ le mépris du monde et de soi-même, l'amour du silence et de la retraite, la patience dans l'épreuve, l'empressement à rendre le bien pour le mal, le soin d'éviter les fautes les plus légères, mortification bien autrement agréable à Dieu que les austérités corporelles. Quant à ces austérités, je vous conseille d'en user avec une grande modération pour pouvoir les augmenter au besoin, plutôt que de vous exposer par trop de zèle à devoir les abandonner entièrement. Si je vous donne cet avis, c'est que je vous croise à l'abri de l'erreur de certaines personnes qui d'ailleurs passent pour spirituelles et qui, séduites et trompées par l'amour-propre, prennent un soin exagéré de la conservation de leur santé corporelle. Elles en sont si jalouses et si inquiètes qu'à rien suffit à leur inspirer des doutes et des craintes à cet égard. Leur principale occupation, le sujet favori de leur conversation, c'est le régime de vie qu'elles ont à suivre. Ainsi, elles recherchent sans cesse les mets qui flattent leur goût, sans souci de leur estomac, que cette délicatesse extrême ne fait qu'affaiblir de plus en plus. Sous le prétexte d'acquérir des forces pour mieux servir Dieu, elles ne cherchent qu'à accorder ensemble, sans aucun profit pour aucun, et même au détriment de l'un et de l'autre, deux ennemis irréconciliables, l'esprit et le corps. Leur sollicitude mal entendue enlève à l'un la santé et à l'autre la dévotion. C'est pourquoi il est plus sûr et plus aisé à tous égards de suivre un régime plus libre, pourvu qu'il soit accompagné de la discrétion requise et qu'on tienne compte des conditions et des complexions qui sont trop différentes les unes des autres pour être soumises à la même règle. J'ajoute en terminant qu'une certaine modération est souverainement désirable, non seulement dans les choses extérieures, mais dans l'acquisition des vertus intérieures, ainsi que nous l'avons fait voir en parlant de la gradation à suivre pour arriver à la perfection.